Chapitre 20e. Sortie de la tombe. La pluie tombait sans relâche sur la terre inondée par une sombre journée de novembre. Le ciel gris et noir semblait s'être abaissé et peser sur ce bas monde de tout son poids, comme s'il avait eu l'intention menaçante de le réduire à néant. Le train express qui parcourait les plaines humides du Lincolnshire étincelait comme un météore au milieu du brouillard grisâtre. Le cri étrange et saccadé de la machine avait quelque ressemblance avec le cri d'un oiseau de proie. Les quelques voyageurs qui avaient choisi pour voyager ces tristes journées d'hiver contemplaient avec abattement le paysage monotone et cherchaient en vain quelques coins un peu gais, où ils essayaient, sans y parvenir, de lire leurs journaux à la faible lueur de la lampe de leur compartiment. Ceux qui étaient bourrus frissonnaient d'un air rébarbatif en s'enveloppant de leurs grosses couvertures en laine ou d'énormes fourrures en peau de bête fauve. Ceux qui étaient mélancoliques enfonçaient jusqu'à leurs sourcils de grotesques et hideux bonnets de nuit, et se pelotonnant dans leur coin, essayaient de tuer le temps en dormant. Tout sur terre semblait humide et triste, froid et désolé, aride et manquant de confortable. Mais il y avait un voyageur dans les wagons de première classe de ce train du Lincolnshire qui se rendait particulièrement désagréable à ses compagnons de route par son impatience nerveuse et sa surabondance d'énergie tout à fait en désaccord avec la calme tristesse de ceux qui l'environnaient. C'était un jeune homme avec une longue barbe jaune et une figure pâle, une très belle figure, quoiqu'elle fût amaigrie et exténuée comme par quelque terrible maladie, et un temps soit peu gâté par certains bandages fixés autour du crâne, un peu au-dessus de la tempe gauche. Ce jeune homme avait pour lui tout un côté du compartiment, et on lui avait arrangé une espèce de lit avec des coussins sur lesquels il s'étendait tout de son long quand il était calme, ce qui ne durait jamais longtemps. Il était roulé presque jusqu'au menton dans une grande couverture de voyage, mais malgré cette précaution, il frissonnait de temps en temps comme s'il avait eu froid. Il avait dans son attirail de voyage une petite fiole qu'il appliquait constamment à ses lèvres enfiévrées. Quelquefois, des gouttes de sueur perlaient tout à coup sur son front et étaient essuyées par une main tremblante qui avait à peine la force de tenir un mouchoir de batiste. Bref, il était suffisamment clair pour tout le monde que ce jeune homme relevait à peine de maladie et qu'il avait quitté son lit bien avant l'époque où il aurait dû le faire d'après les avis d'un médecin un peu expérimenté. Il était évident qu'il était malade, très malade, mais que l'esprit, si la chose était possible, était encore moins à l'aise chez lui que le corps, et que quelque terrible anxiété, quelque préoccupation incessante, quelque horrible incertitude, ou quelque sombre pressentiment de malheur ne lui permettait pas de rester tranquille. Les trois voyageurs assis en face de lui eurent de la peine à endurer son impatience, son agitation, ses gémissements à demi étouffés, ses longs soupirs d'ennui, le frémissement de ses pieds sur les coussins, les soubresauts convulsifs à l'aide desquels il se soulevait sur son coude pour jeter un regard furieux sur le brouillard, les plaintes qui lui échappaient quand il retombait dans une position douloureuse, l'air de souffrance effrayante qui se lisait sur sa figure quand il regardait sa montre, ce qui lui arrivait en moyenne à chaque quart d'heure, l'impatience avec laquelle il froissait les feuilles d'un braccio tout neuf qu'il tournait et retournait sans cesse, comme si en recourant perpétuellement à cet indicateur mystérieux, il avait pu accélérer la marche du temps qui devait s'écouler avant d'atteindre sa destination. Il était en somme un compagnon de voyage agaçant et insupportable, et ce n'était que par pitié chrétienne pour sa faiblesse physique que les autres voyageurs irrités n'osaient pas se liguer contre lui et le jeter tout bonnement par la fenêtre du wagon, comme un clown jette parfois un vénérable mais en nu pantalon par une trappe carrée, béante, sans qu'on y songe, dans la façade de la maison d'un honnête commerçant. Les trois voyageurs avaient de différentes manières exprimé leur sympathie à leurs compagnons de route malades, mais leur courtoisie n'avait pas été accueillie avec beaucoup de reconnaissance et de cordialité. Le jeune homme leur avait répondu d'une façon distraite, daignant à peine les regarder en leur parlant et causant, comme marche un somnambule qui erre çà et là au milieu d'un rêve affreux, se crée un monde à lui et le peuple d'images inconnues à ceux qui l'entourent. Avait-il été malade? Oui, très malade. Il avait subi un accident en chemin de fer, puis la fièvre cérébrale. Sa maladie avait duré très longtemps. Quelqu'un lui demanda combien de temps. Il bondit sur les coussins, et gémit tout haut à cette question, à la grande épouvante de l'homme qui la lui avait adressée. « Combien de temps ? » s'écria-t-il dans l'angoisse de la souffrance physique et morale. « Combien de temps ? 2 mois, 3 mois, toujours, depuis le 14 août. » Alors, un autre voyageur, envisageant les souffrances du jeune homme à un point de vue commercial, lui demanda s'il avait obtenu des dommages-intérêts. « Des dommages-intérêts ? » s'écria le malade. « Quel dommage-intérêt ? Mais de la compagnie du chemin de fer. J'espère que vous n'avez pas eu de peine à prouver qu'elle vous en devait, car vous avez évidemment beaucoup souffert. » Ce fut terrible de voir la douleur que cette question causa au jeune homme. « Des dommages-intérêts ? » cria-t-il. « Que voulez-vous que la compagnie me donne pour un accident qui m'a couché tout vivant dans une tombe pendant 3 mois et m'a séparé de... » « Vous ne savez pas ce que vous dites, monsieur, » ajouta-t-il tout à coup. « Je ne puis songer à cette affaire avec patience. Je ne puis être raisonnable. S'il m'avait mis en pièces, cela m'eût été égal. J'ai affronté le soleil brûlant de l'Inde. Je me suis trouvé dans la mêlée alors que la fumée des canons était tellement épaisse que nous ne voyions pas le ciel au-dessus de nos têtes. J'ai entendu le cliquetis des sabres de tous côtés autour de moi, et je n'ai pas peur d'une déchirure de plus ou de moins. Mais quand je songe à ce que d'autres ont pu souffrir à cause, je deviens presque fou, je... » Il ne put en dire plus long, car la violence de sa colère le faisait trembler comme une feuille au vent d'orage. Il retomba sur les coussins en se tordant et en gémissant tout haut. Ses compagnons de voyage se regardèrent avec inquiétude, et 2 des 3 songèrent sérieusement à changer de compartiment quand le train s'arrêterait à la station qui se trouve à mi-chemin entre Londres et Lincoln. Mais ils se rassurèrent peu à peu, car le malade qui était le capitaine Edward Arundel, ou plutôt l'ombre pâle du brillant officier de cavalerie, relevant à peine de maladie, retomba dans le silence et ne déploya plus aucun symptôme alarmant que cette agitation perpétuelle et ces mouvements continuels qui sont si fatigants même pour les nerfs les moins sensibles. Il n'ouvrit plus la bouche qu'une fois, et ce fut au moment où la courte journée, qui par le fait avait été sans lumière, arriva à son déclin. Le voyage était presque fini, et le malade fit tressaillir ses compagnons en s'écriant tout à coup « Oh mon Dieu, n'arriverai-je donc jamais au terme de ma course ? Ne sortirai-je pas de cette horrible incertitude ?» Le voyage, ou du moins le trajet, qu'avait à parcourir le capitaine Arundel, se termina presque aussitôt après, car le train s'arrêta à Swampington, et pendant que le malade se remettait péniblement sur ses pieds dans son empressement de quitter le wagon, son domestique vint à la porte pour l'aider et le soutenir. « Vous me paraissez avoir supporté le voyage à merveille, monsieur, » dit l'homme avec respect, en essayant d'arranger l'attirail de son maître et de faire pour lui ce que les circonstances et l'impatience fiévreuse du jeune homme lui permettaient de faire. « J'ai souffert les tortures de l'enfer, Morrison, » s'écria le capitaine Arundel en réponse aux félicitations de son domestique. « Trouvez-moi une voiture tout de suite. Je veux me rendre aux Towers immédiatement. » « Pas ce soir, à coup sûr, » observa le domestique d'un ton alarmé. « Votre mère et les docteurs ont dit qu'il vous fallait vous reposer une nuit à Swampington. »« Je ne me reposerai que lorsque je serai allé à Marchmont Towers, » répondit le jeune soldat avec animation. « S'il faut que j'aille à pied, j'irai. Dussé-je tomber mort en route. » Si les champs de blé qui se trouvent entre Swampington et les Towers étaient des prairies en flammes ou une mer en fureur, j'irai quand même. Trouvez-moi une voiture, Morrison. » « Et ne me parlez pas de ma mère et des médecins. Je vais à la recherche de ma femme. Cherchez-moi une voiture. » Cette demande d'un véhicule ordinaire faisait disparate après ce qu'avait dit le jeune homme sur les prairies en flammes et la mer en fureur. Mais la terrible réalité n'a pas de côté ridicule, et les paroles les plus folles d'Edward Arundel étaient sublimes tant elles étaient sérieuses. « Cherchez-moi une voiture, Morrison, » dit-il en frappant du pied sur la plateforme, tant son impatience était vive. « Ou plutôt, attendez. Nous gagnerions du temps si vous alliez à l'hôtel George. Ce n'est qu'à 10 minutes d'ici et un des facteurs vous y conduira. Les gens de l'hôtel me connaissent et on vous fournira une voiture à 2 chevaux avec un bon cocher. Dites-leur qu'il y va de la vie et que le capitaine Arundel leur payera 3 fois le prix ordinaire, 6 fois, même s'ils veulent. Dites-leur tout ce que vous voudrez, pourvu que vous obteniez ce qu'il me faut. » Le valet, vieux serviteur du père d'Edward Arundel, subissait l'influence de la folle impétuosité du jeune homme. La vitalité de ce malade exténué, dont la faiblesse physique contrastait étrangement avec son énergie morale, tombait comme une avalanche sur le grave vieux domestique et l'entraînait où il ne voulait pas aller. Il fut bien obligé de renoncer à l'espoir de tenir fidèlement les promesses qu'il avait faites à Mrs. Arundel et au médecin, et de se soumettre à la volonté de l'entêté jeune soldat. Il laissa Edward Arundel assis sur une chaise dans la salle d'attente déserte et suivit le facteur qui s'était volontairement offert pour le conduire à l'hôtel George, qui était le plus fréquenté de Swampington. Le valet avait de bonnes raisons pour être tout étonné de l'énergie et de la détermination de son jeune maître, car le mari de Mary Marchmont venait à peine d'échapper à une mort imminente. Pendant 12 semaines, après le terrible choc des deux convois sur la ligne du South Western Railway, Edward Arundel avait été étendu sur un lit de douleur, dans un état d'égarement complet. Toute l'histoire de sa vie s'était effacée dans son esprit, et son cerveau était devenu une page aussi blanche que s'il eût été un enfant en maillot, sur les genoux de sa mère. Le jeune capitaine avait eu le crâne fracturé dans l'accident qui maltraita bon nombre des voyageurs dans l'express d'Exeter du 14 août, et on l'avait emporté inanimé à Dangerfield Park, où il était entré, n'ayant presque pas plus de vie que le corps de son père placé sur un lit de parade dans l'un des grands salons. Les chagrins étaient venus pour Mrs. Arundel, comme ils viennent souvent pour les gens riches et heureux, en se succédant rapidement, et ils menaçaient de briser le cœur de cette excellente femme. On l'avait appelée d'Allemagne auprès du lit de mort de son mari, où elle s'installa en garde-malade fidèle, et elle ne s'en éloigna que pour apprendre la nouvelle du terrible accident dont son fils cadet était la victime. Ni le médecin du Dorsetshire qui accompagna le voyageur blessé jusque chez lui et amena l'homme fort aussi faible qu'un enfant pour le confier aux tendres soins de celle qui avait veillé sur lui alors qu'il était tout jeune, ni les médecins du Devonshire qui furent mandés à Dangerfield ne purent promettre que le malade guérirait. « Il traînera pendant des années peut-être, disait-il, mais son existence ne vaudra guère mieux que la mort. L'esprit sera absent, et ce serait une cruauté que de lui souhaiter de vivre. » Mais lorsqu'un célèbre médecin de Londres apparut sur la scène, une nouvelle lueur, un merveilleux rayon d'espoir brilla dans les ténèbres du désespoir de la mère. Ce grand médecin de Londres, qui était un petit homme pratique et sans prétention, et qui avait l'air très pressé de gagner ses honoraires et de retourner à Savile Row par le premier train, examina rapidement le malade, adressa quelques questions décisives aux praticiens de province, plein de respect pour lui, et déclara ensuite que l'état d'Edward Arundel provenait principalement de ce qu'une portion du crâne était déprimée, une esquille comprimait le cerveau. Les médecins de province ouvrirent de grands yeux, et l'un d'eux se hasarda à dire qu'il avait supposé pareille chose depuis longtemps. Le médecin de Londres ajouta encore que tant que l'esquille comprimerait le cerveau du malade, le capitaine Edward Arundel serait toujours dans le même état que depuis l'accident. Une opération très délicate pouvait seule permettre de dégager le cerveau, et cette opération devait être retardée jusqu'au moment où la force physique du malade serait revenue en partie. Le médecin donna à ses collègues de province des conseils brefs mais décisifs sur le traitement à faire suivre au malade dans l'intervalle, et il partit ensuite après avoir promis de revenir dès que le capitaine Arundel serait en état de supporter l'opération. Ce moment n'arriva que dans la première semaine de novembre, époque à laquelle les médecins du Devonshire se hasardèrent à déclarer que la constitution de leurs malades s'était améliorée grâce à leur zèle et aux tendres soins de la meilleure des mères. Le grand médecin revint. L'opération critique fut faite, et avec tant de succès, que la description en parut plus tard tout au long de la lancette. Petit à petit, et avec la lenteur mesurée qui préside au lever d'un rideau, les ombres noires disparurent de l'esprit d'Edward Arundel et la mémoire du passé lui revint. Ce fut alors qu'il délira comme un fou à propos de sa jeune femme, et demanda perpétuellement qu'on l'appelât auprès de lui, en déclarant que quelque grand malheur lui arriverait si on ne la faisait pas venir immédiatement à Dangerfield, où, tout faible qu'il était, il pourrait la défendre et la protéger. Sa mère se figura que cette véhémence était du délire. Les médecins tombèrent dans la même erreur et le traitèrent comme s'il avait eu la fièvre cérébrale. Ce ne fut que lorsque le jeune soldat leur eut démontré qu'il pouvait, en faisant un effort sur lui-même, être aussi raisonnable qu'eux, qu'ils furent convaincus de leur méprise. Alors il pria qu'on le laissât seul avec sa mère, et prenant dans ses mains fiévreuses celles de sa dévouée garde malade, il lui demanda ce que signifiait son vêtement noir, et pour quel motif on n'avait pas fait venir sa femme auprès de lui. Il apprit que sa mère portait le deuil en souvenir de son père qui n'était plus. Il apprit aussi, après bien des questions et beaucoup d'étonnement, qu'on n'avait jamais reçu à Dangerfield des nouvelles de Mary Marchmont. Le jeune homme raconta alors l'histoire de son mariage, comment ce mariage avait été célébré à la hâte, mais sans aucun désir qu'il fût secret, comment il avait, par pure négligence, retardé d'écrire à ses amis jusqu'à cette soirée fatale, et comment, alors qu'il tenait la plume en main et que le papier était étalé devant lui, le devoir était venu le forcer à partir et à quitter sa jeune épouse pour accourir au lit de mort de son père. Mrs. Arundel essaya vainement de calmer l'inquiétude que causait à son fils le silence de sa femme. « Non, ma mère, s'écria-t-il, il est inutile de me parler. Vous ne connaissez pas ma pauvre petite femme. Elle a le courage d'une héroïne aussi bien que la simplicité d'une enfant. Il y a au fond de tout ceci quelques vilaines trames. C'est la trahison qui a retenu ma femme loin de moi. Elle serait venue à pied si elle avait été libre de venir. Je sais qu'elle est la main qui tient les fils de cette affaire. Olivia Marchmont a retenu prisonnière ma chère petite femme. Olivia Marchmont s'est interposée entre Mary et moi. Mais vous n'êtes pas sûr de tout cela, Edward. Je vais écrire à M. Paulette, et il nous dira tout ce qui s'est passé. » Le jeune homme se tordit de douleur. L'angoisse mentale était arrivée à son paroxysme chez lui. « Écrire à M. Paulette ? » s'écria-t-il. « Non, ma mère, je ne veux pas de retard. Je ne veux pas attendre le retour du courrier. Cette espèce de torture me tuerait en quelques heures. Non, ma mère, j'irai vers ma femme par le premier train qui me mènera dans le Lincolnshire. Vous irez, vous, Edward, dans l'état où vous êtes ?» La pauvre mère eut recours aux observations, aux prières et aux larmes. Elle se jeta aux genoux de son fils et le supplia de ne pas quitter Dangerfield jusqu'à ce qu'il reprît ses forces. Elle lui demanda en grâce de la laisser prévenir Richard Paulet par une dépêche télégraphique, de lui confier à elle-même le soin d'aller chercher Mary à Marchmont Towers, de tout faire, plutôt que de mettre à exécution l'imprudent projet de courir lui-même à la recherche de sa femme. Les larmes et les prières de la mère furent inutiles. Le jeune soldat se montra inébranlable comme une tour en diamant. « Elle est ma femme, ma mère, dit-il. J'ai juré de la protéger, de veiller sur elle, et j'ai tout lieu de croire qu'elle est tombée dans des mains impitoyables. Quand bien même je devrais mourir en chemin, il faut que j'aille à elle. En pareille circonstance, il est impossible que je fasse mon devoir par procuration. Chaque moment de retard est un tour de plus envers ma pauvre mère sans défense. Soyez raisonnable, ma mère, je vous en prie. En restant ici, la certitude me fera souffrir 50 fois plus que je ne souffrirai certainement dans le train du Lincolnshire qui me conduira vers ma femme. » La ferme volonté du soldat triompha de toute opposition. Les médecins levèrent les mains au ciel et protestèrent contre la folie de leur malade, mais ce fut en vain. Tout ce que Mrs. Arundel ou les médecins purent faire fut de veiller aux préparatifs et aux arrangements qui devaient faciliter le voyage et s'abaiter sous la surveillance de la mère que les coussins, les fioles de brandy, la corne de cerf, les selles volatiles et les couvertures avaient été transportées à la gare pour le bien-être du capitaine. Ce fut ainsi qu'après un intervalle de 3 mois, Edward Arundel, comme quelqu'un qui vient d'échapper à la tombe, revint à Swampington pour se rendre de là à Marchmont Towers. Le retard parut sans fin à ce voyageur impatient, assis dans la salle d'attente déserte de la paisible station du Lincolnshire. Et pourtant l'hôtelier et les garçons d'écurie déployaient toute leur bonne volonté en considération de la promesse d'une bonne récompense que leur avait faite Morrison. Et l'homme qui devait servir de cocher ne perdit pas de temps à s'équiper pour le voyage. Le capitaine Arundel regarda sa montre 3 fois pendant qu'il attendait dans la triste salle d'attente de Swampington. Il y avait une pendule sur la cheminée, mais il ne voulait pas s'y fier. « 8 heures, murmura-t-il, il sera 10 heures avant que j'arrive aux Towers si la voiture n'est pas attelée sur le champ. » Il se leva et se dirigea de la salle d'attente vers la plateforme, puis de la plateforme à la porte de la station. Il était si faible qu'il était obligé de s'appuyer sur sa canne et même avec ce point d'appui, il chancelait et trébuchait comme un homme ivre. Mais dans son impatience fiévreuse, il ne songeait ni à sa faiblesse, ni à n'importe quoi, excepté à la lenteur de la marche du temps. « Cette voiture ne viendra-t-elle jamais ?» se dit-il. « Ne viendra-t-elle jamais ?» Mais ce délai presque insupportable toucha cependant à son terme. La voiture à deux chevaux de l'hôtel George arriva à la porte de la station avec Morrison sur le siège, et un postillon qui se balançait sur l'un des chevaux gris à longues jambes et à longue échine osseuse. Edward Arundel monta dans le véhicule avant que son valet eût mis pied à terre pour venir l'aider. « Marchmont Towers » cria-t-il au postillon. « Il y a un billet de 5 livres, si vous y arrivez en moins d'une heure. » Il jeta quelque argent aux employés en sous-ordre, qui s'étaient groupés autour de la porte pour assister à son départ, et qui s'étaient empressés de lui offrir des secours qu'il avait dédaignés malgré sa faiblesse. Ces hommes se regardèrent gravement quand la voiture eut disparu dans le brouillard, en dansant sur ses ressorts et en cahotant rudement le long de la route étroite et à moitié tracée, qui menait de l'emplacement désert où s'élevait la gare dans la grande rue de Swampington. « Marchmont Towers, » dit l'un des hommes d'un ton qui semblait annoncer, « qu'il y avait quelque chose de mauvais augure dans le nom de la grande maison du Lincolnshire. Que diable peut-il avoir à faire à Marchmont Towers ?»« Mais l'ami, ne savez-vous pas qui il est ?» répondit un autre homme avec mépris. « Non, c'est le neveu du recteur Arundel, ce jeune officier qui, au dire de quelques personnes, a enlevé la pauvre jeune miss des Towers. Croyez-vous que ce soit bien lui ? Moi, je ne l'aurais pas reconnu. Non, il n'est plus que l'ombre de ce qu'il était, le pauvre diable. J'ai entendu dire qu'il était dans le train express lors de l'accident arrivé au South Western au mois d'août dernier. » L'employé du chemin de fer haussa les épaules. « C'est une étrange histoire, » dit-il, « et je n'y comprends rien du tout. Mais je sais bien que je ne me soucierai pas du tout d'aller à Marchmont Towers après la tombée de la nuit. » Marchmont Towers commençait évidemment à avoir mauvaise réputation parmi ses simples habitants de Lincolnshire. La voiture qui transportait Edward Arundel était un vieux char à bancs passé de mode, dont les ressorts mal graissés secouaient violemment le malade. Il gémissait tout haut, de temps en temps, tant sa douleur physique était vive. Mais je doute qu'il songea beaucoup à la torture physique qu'il endurait, à force de concentrer toutes ses pensées sur sa souffrance morale. Quelle que fût l'intensité de la douleur qu'il éprouvait dans ses membres meurtris et cahotés, cette douleur n'était rien, en comparaison de l'angoisse, de l'incertitude, de l'intolérable anxiété qui semblait augmenter à chaque instant. Il était assis, la figure tournée vers la portière de la voiture, et ses regards se perdaient dans les ténèbres dehors. Il ne voyait devant lui que l'obscurité, un épais brouillard et un pays plat que noyait la pluie continuelle, mais il se fatiguait les yeux et dilatait ses pupilles dans son désir de reconnaître quelque objet dans la perspective qui lui était cachée. « Quand donc arriverai-je là-bas » s'écria-t-il tout haut dans son paroxysme de rage et de douleur. « Ma chère et bien-aimée femme, quand donc arriverai-je auprès de toi ?» Il serra les poings avec tant de force que ses ongles pénétrèrent dans la chair. Il frappa du pied sur le fond de la voiture. Il maudit les ressorts rouillés qui criaient, les chevaux à l'allure lente et les mardeaux à travers lesquels les pauvres animaux barbotaient jusqu'à mi-jambe. Il maudit les ténèbres de la nuit, la stupidité du postillon, la longueur de la route, bref, tout ce qui le retenait loin du but qu'il voulait atteindre. Il l'atteignit enfin, ce but. La voiture s'arrêta devant les grandes grilles de fer, derrière lesquelles s'étendait, sombre et désolé comme un terrain communal, ce mélancolique coin de terre qu'on appelle le parc. Une faible lumière brillait à la fenêtre basse de la loge, et sa lueur rouge vacillait au milieu des ténèbres et de la pluie, mais les grilles étaient aussi soigneusement fermées que si Marchmont Towers eût été une prison. Edward Arundel n'était pas d'humeur à attendre patiemment l'ouverture de ces grilles. Il s'élança hors de la voiture, sans songer à la faiblesse de ses membres meurtris, avant que le valet eût pu descendre au siège et le postillon sauter à bas de son cheval, et il secoua de ses faibles mains les barreaux humides et rouillés de la grille. La porte gémit, mais elle résista à la secousse. Elle avait été évidemment fermée pour la nuit. Le jeune homme saisit un anneau en fer, suspendu au bout d'une chaîne visible à l'un des piliers en pierre, et la tira avec tant de force que son coup de sonnette retentit comme un signal d'alarme au milieu de la nuit. Un chien de garde aboya furieusement dans le lointain en entendant cet avertissement, et le cri discordant d'un paon résonna dans la plaine. La porte de la loge s'ouvrit 5 minutes après ce violent coup de sonnette, et un vieillard parut sur le seuil, tenant une chandelle qu'il abritait de sa main tremblante et regardant la porte d'un air inquiet. « Qui est là ? » dit-il. « C'est moi, le capitaine Arundel. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. » L'homme, qui était très vieux et dont l'intelligence semblait être devenue avec l'âge aussi obscure que la nuit elle-même, réfléchit quelques instants et puis il marmotta. « Le capitaine Arundel. Ah oui, oui, sans doute. Le neveu du recteur Arundel, c'est cela même. » Il rentra dans la loge au grand mécontentement du jeune soldat qui ébranla de nouveau la porte dans son impatience. Mais le vieillard reparut aussitôt avec autant de tranquillité que si la sombre nuit de novembre eût été quelque belle nuit de juillet. Il portait une lanterne et un trousseau de clés, et il en introduisit une sans se presser dans la grande serrure de la porte. « Faites-moi donc entrer !» s'écria Edward Arundel. « Croyez-vous que je sois venu ici pour rester toute la nuit à regarder à travers ces barres de fer ?» Marchmont Towers est-il donc une prison, que vous fermez vos portes, comme si on ne devait plus les rouvrir qu'au jour du jugement dernier ? Le vieillard fit entendre un faible éclat de rire à la fois moqueur et grimaçant. « Nous n'avons pas besoin de laisser les portes ouvertes après la tombée de la nuit, » dit-il. « Personne ne vient aux Towers quand il fait noir. » Il était en ce moment parvenu à faire tourner la clé dans la serrure. L'un des battants roula lentement sur ses gonds rouillés et grinça comme s'il protestait contre toute visite aux Towers. Edward Arundel entra dans le triste domaine qui avait été laissé à John Marchmont par son parent. Le postillon fit quitter à ses chevaux la grande route en avant des portes et les conduisit dans la grande allée carrossière qui menait à la maison. Au loin, par-delà la plaine humide, la façade lugubre de la sombre maison en pierre se dressait menaçante et son triste aspect n'était égayé que par quelques lumières disséminées annonçant qu'elle était habitée. Il était un peu difficile d'avoir de bonnes pensées sur Marchmont Towers par cette nuit noire de novembre. Le voyageur nerveux aurait compté trouver plutôt que les amis des hôtes diaboliques errant dans ces murs noirs et massifs, de hideux enchanteurs préparant leurs maléfices pendant que la pluie tombait, des sorcières horribles assises au coin du feu et des âmes en peine gémissant affreusement et troublant le silence de la nuit. Edward Arundel ne songea à rien de tout cela. Il savait que la maison était sombre et triste et que malgré lui, il en avait subi l'impression désagréable, mais c'était là tout ce qu'il savait. Il ne demandait qu'à arriver sans retard dans la demeure et à demander la jeune femme dont il s'était séparé par une soirée embaumée du mois d'août 3 mois auparavant. Ce désir était chez lui d'une violence folle, et à chaque instant son impatience devenait plus terrible, son anxiété plus vive. Il lui semblait que le voyage de Dangerfield Park vers le Lincolnshire n'était rien en comparaison de l'espace qu'il restait à franchir avant d'arriver à Marchmont Towers. « Nous avons fait le trajet 2 fois plus vite que d'habitude, monsieur, » dit le postillon, montrant les flancs fumants des chevaux. « Mon maître me tancera d'importance pour avoir ainsi surmené ces bêtes. » Edward Arundel regarda les animaux essoufflés. C'était donc vrai qu'il l'avait amené vite, quoique la route lui parut si longue. « Vous aurez un billet de 5 livres, mon garçon, » dit-il, « si vous me menez en 5 minutes à cette maison là-bas. » Il avait la main sur la portière de la voiture, et il s'y appuyait pour ne pas tomber, en attendant qu'il eût la force de grimper dans le véhicule, lorsque ses yeux furent attirés par quelque chose de blanc qui voltigeait à la pluie contre un des piliers de la porte en fer, et que la lanterne du gardien permettait d'apercevoir vaguement. « Qu'est-ce que cela ? » cria-t-il en montrant l'objet blanc sur le pilier recouvert de mousse. Le vieillard dirigea lentement ses regards vers l'endroit que désignait le doigt du soldat. « Cela ? » murmura-t-il. « Ah oui, j'y suis, pauvre jeune fille. C'est l'affiche imprimée qu'on a fait placarder. Ma foi, oui, c'est l'affiche imprimée. Je l'avais presque oubliée, elle n'a pas servi à grand-chose et je ne m'en souvenais plus. » « L'affiche imprimée ? La jeune fille ?» s'écria Edward Arundel d'une voix rauque, étouffée. Il arracha la lanterne des mains du gardien avec tant de force que le faible vieillard recula de quelques pas en chancelant, puis, courant vers le pilier, il releva la lumière au-dessus de sa tête pour qu'elle fût à hauteur du placard blanc qui avait attiré son attention. L'affiche était mouillée et déchirée sur les bords, mais ce qu'il y avait d'imprimé fut visible pour le jeune soldat, comme si chacun des caractères communs eût été inscrit en grandes lettres noires sur un parchemin enflammé. Voici quelle fut l'annonce qu'Edward Arundel lut sur le pilier de Marchmont Towers. 100 livres de récompense. Miss Mary Marchmont, ayant quitté sa maison mercredi dernier, 17 octobre, et n'ayant pas donné signe de vie depuis, ceci est pour faire savoir que la récompense ci-dessus sera accordée à quiconque fournira les renseignements qui amèneront sa découverte, si elle est vivante, ou celle de son cadavre, si elle est morte. La jeune fille absente est âgée de 18 ans et un peu au-dessous de la taille moyenne. Son teint est clair, sa chevelure châtain et ses yeux bruns. Quand elle est partie de chez elle, elle portait une robe de soie grise, un châle gris et un chapeau de paille. Elle a été vue pour la dernière fois sur les bords de la rivière dans l'après-midi du mercredi 17 octobre. Marchmont Towers, 28 octobre 1848. Ainsi s'achève le tome 1er du Testament de John Marchmont par Marie-Elisabeth Braddon.